Salut à tous, vous m'entendez ou pas? Merci, dame. Entendu, Sharon parler de moi. C'est bon, je suis accordé maintenant. Ma guitare est accordée. Enfin, j'espère. Elle n'arrête pas de se désaccorder. Thank you. T'avais trop mal à toi, une acoustique.